travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. À la santé. Avant d'entrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nu. Et quelle voix sinistre ulule. Guillaume, qu'es-tu devenu ? Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. En décembre dernier, l'équipe de Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de prévention de liberté, entendez pour l'essentiel des prisons, est sortie effarée, je cite le journal Le Monde, effaré d'une visite à la prison des Baumettes à Marseille. Les observateurs ont constaté, je cite encore, « une effroyable odeur d'ordures et d'urine, des murs qui tombent en ruine, de l'eau qui ruisselle dans les bâtiments, des rats qui pullulent au point que les surveillants tapent des pieds pendant les rondes de nuit pour les éloigner. Ils ont trouvé un scorpion dans une flaque et surpris un détenu qui lapait l'eau des toilettes. » Lassé de réclamer depuis 3 semaines qu'on répare le robinet de sa cellule. Un autre a fini par murmurer, vert de peur, qu'il était l'esclave, y compris sexuel, de ses 2 co-détenus. Le contrôleur général a jugé ce naufrage assez épouvantable pour utiliser la procédure d'urgence prévue en cas de violation grave des droits fondamentaux. Mais les effets de cette décision demeurent pour l'heure fort incertains. Dans notre République telle qu'elle est, ressurgissent régulièrement, comme par bouffée, des moments d'indignation et de honte devant une situation scandaleuse au pays des droits de l'homme. Une des dernières fois, ce fut en 2000, lorsque le médecin-chef à la prison de la santé, Véronique Vasseur, publia un livre où elle dressait un bilan accablant des conditions de détention dans cet établissement. Or, si l'on souhaite pouvoir échapper, peut-être, à une impression de fatalité, et retrouver une inspiration auprès de tous ceux qui, dans le passé, ont combattu pour cela, il est sûrement utile d'aller rechercher en arrière, jusqu'à l'Ancien Régime, si les prisons ont toujours été inhumaines et dans quelle mesure. J'ai la chance, dans la ligne de la série d'émissions consacrée à ce thème par France Culture, j'ai la chance de pouvoir le faire avec Michel Perrault, bien connu ici grâce au Lundi de l'Histoire, Michel Perrault, qui a consacré à ces questions à l'origine en proximité de Michel Foucault, des travaux qui sont essentiels. Depuis que Mazas s'est démoli, tous les gars qui ont fait un truc moche se tapent leur prévence aujourd'hui à la Santoche. À l'arrivée, mensuration, fouille savante dans toutes les poches, on vous yeute même jusque dans le fion à la Santoche. Après une douche sur le paletot, l'hygiène en tôle, c'est rudement moche, on vous met en cellule d'auto à la Santoche. Une table, un mauvais panier, un tabouret de bois qui est bancroche, v'là tous les meubles du prisonnier à la Santoche. 2 fois par semaine au parloir, sitôt que midi se décroche, ceux qu'ont des vieux, ils peuvent les voir à la Santoche. Avec 1 litre et 1 baquet, le dimanche en fête de bamboche, ils nous font frotter les parquets à la santoche. Les jours où qu'on a le bourdon, on dessine des gonzesses sur la roche, ou bien dans les chiottes nous jactons à la santoche. On se souhaite du courage et du sang, on gueule mort aux vaches, vive la fauche, et on rêve en cœur sur le bas-flanc à la santoche. Michel Perrault, bonjour. Bonjour, Jean-Noël Jeannet. Cette chanson « À la santoche » remonte à 1907. Son auteur est anonyme, elle est interprétée par Jacques Marchais. Je l'ai choisi parce qu'il me semble que, au début de notre conversation, nous trouvons là l'ambiance qui est celle de la longue durée dans les prisons, avec les frustrations, le travail douloureux, les brimades, le temps qui passe si lentement. Bref, notre thème, non ? Tout à fait, tout à fait. La prison a une longue histoire que nous allons évoquer maintenant. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à fait au début, la protestation et le rapport de Jean-Marie Delarue, qui est remarquable, et Madame Vasseur également, et dire qu'il est important qu'il y ait cette protestation, même si on a souvent le sentiment qu'elle est inutile, puisqu'elle se répète d'année en année. Je voudrais signaler la revue « Dedans, dehors », qui est la revue de l'Observatoire international des prisons, qui publie très régulièrement des dossiers, et le tout dernier s'appelle « Nouvelle prison, le trou noir de la pensée ». Et dans ce numéro, il montre que, du point de vue de l'architecture par exemple, on n'arrive pas à trouver en France notamment une véritable solution au problème de l'architecture des prisons, parce qu'elle est toujours gouvernée par une idée de surveillance, clôture, interdiction, etc. On rejoint la chanson de 1907 avec sa plainte, la plainte du prisonnier, qui est en effet une plainte de très longue durée. Je voudrais d'abord observer que, pour ceux qui s'efforcent de restituer cette histoire, il y a un déséquilibre dont il faut prendre compte d'entrée de jeu. C'est le déséquilibre des sources. Nous avons une floraison, un grand nombre de sources du côté de l'administration, du côté des philanthropes, de tous ceux qui ont réfléchi à la prison. Et en revanche, les détenus eux-mêmes s'expriment assez peu dans ces dossiers, dans ces papiers. Ils sont dans la nuit obscure, hein, la nuit obscure qui enveloppe tant, au fond, l'essentiel de l'histoire, mais particulièrement dans le domaine des prisons. Effectivement, on ne les entend pas. Ce sont majoritairement des gens, surtout au 19e, illettrés, donc qui n'ont pas d'accès à l'écriture et dont la parole est totalement étouffée. Juste une chose à signaler, la grande nouveauté des années 70, par exemple, 70-80, c'est que justement, là, on avait affaire à des détenus alphabétisés qui ont pu parler eux-mêmes de la prison. C'était des gens qui étaient aussi très liés à Foucault, mais des gens comme Goldman, Knobelpiece et Livrozet, quantité d'autres, ont donné à ce moment-là de véritables témoignages sur la prison. Ce qui n'est évidemment pas le cas pour le 19e. On a cette carence de la parole des détenus qui sont enfouis dans le silence des prisons. Néanmoins, on peut peut-être dire qu'il y a eu, à certains moments, à cause des turbulences de l'histoire, un certain nombre de prisonniers qui étaient, eux, capables de parler. Je pense, par exemple, à l'époque de la Révolution française ou à la Libération, 1945. Beaucoup de détenus, de résistants détenus, ont été voués pendant un certain temps à pousser à cette réforme, cette amélioration des prisons, d'une manière qui soit digne d'un pays démocratique, pour tout dire la France. On pourrait citer Silvio Pellico, mais prison. Pellico a été un grand enfermé du 19e siècle. Il a été dans des quantités de prisons en Italie, en Autriche, en France, etc. Et il a laissé un témoignage tout à fait remarquable sur les prisons des années 1830-1840. C'est un grand best-seller, d'ailleurs, du 19e siècle. Un grand best-seller. C'est en effet tout à fait important. Alors, plus tard, quelqu'un comme Blanqui, qui a été l'enfermé. D'ailleurs, Gustave Geffroy lui a consacré une biographie qui s'appelle L'enfermé. Geffroy, l'ami de Clémenceau. Oui, tout à fait. L'ami de Clémenceau. Geffroy avait publié un livre sur L'enfermé. C'était, au fond, les trois quarts de la vie de Blanqui se sont passés en prison. Et il a, lui, témoigner sur les prisons. Prisons qui étaient souvent des prisons politiques, c'est-à-dire un peu meilleures que celles des droits communs. Le droit des politiques, heureusement, a été pris en compte grâce aux politiques eux-mêmes. Et nous verrons d'ailleurs qu'une des caractéristiques des jeunes gauchistes des années 70, c'est que, mis en prison, heureusement pour pas très longtemps, je pense à Gessmar, je pense à Krivine et quelques autres. Le Dantec, le Brice. Le Dantec, le Brice. Ils ont revendiqué des droits des politiques pour les droits communs. Et c'est ce qui a diffusé d'ailleurs dans les prisons à cette époque-là un sentiment de révolte qui a donné les grandes révoltes des années 1971-72. Remontons, si vous le voulez bien, Michel Perrault, au-delà du 19e siècle et restons un instant sur l'ancien régime où la prison a un statut assez différent. Vous avez commencé de travailler avec Michel Foucault à l'origine, qui s'est beaucoup occupé des prisons avec ce livre majeur qui s'appelle « Surveiller et punir ». Naissance de la prison, qui remonte à 1975, son propos sur le grand enfermement, notamment dans les prisons, a beaucoup stimulé les historiens, même si parfois ils ont apporté quelques nuances au caractère un peu systématique à leurs yeux de la thèse de Foucault. Néanmoins, un personnage intellectuellement et civiquement essentiel. Nous l'entendons le 23 mai 1977, à propos du XVIIIe siècle. Bon, alors, l'idée, et ça c'est tout de même un des grands projets de tout le XVIIIe siècle, comment arriver à injecter tous les mécanismes de pouvoir et tous les effets de ces mécanismes à travers le corps social. Alors, nécessité d'une part d'une surveillance policière, bien sûr, nécessité aussi d'avoir à sa disposition un système de punition tel qu'on puisse l'ajuster exactement au plus petit délit, graduer cette punition en fonction de l'importance relative des délits, et enfin, troisièmement, faire en sorte que ce système ne soit pas purement et simplement éliminatoire, exil ou mort, mais que ça puisse servir à corriger les individus, de manière qu'une fois qu'ils rentrent dans le corps social, ils soient améliorés, amendés. Bon, alors c'est autour de ça que se sont cristallisés les différents projets de réforme du code pénal. Alors, puisque nous parlons de l'Ancien Régime, avec Michel Foucault, après Michel Foucault, peut-être peut-on dire que la prison y existe, mais n'est pas véritablement une peine. Elle frappe ou touche plutôt à titre préventif qu'à titre de punition, non ? Elle est un dépôt. La prison existe depuis extrêmement longtemps, depuis, on pourrait dire, depuis l'origine des temps. Mais sous l'Ancien Régime, elle est plutôt un lieu de dépôt et pas de peine. Les peines, c'est les galères. La prison existe sous l'Ancien Régime comme peine de substitution pour les femmes, les jeunes et les vieillards. Et on voit déjà une prison alors comme peine pour ces catégories-là. Mais la prison comme peine, c'est la Révolution française. Et les Anglais avaient une pensée parallèle tout à fait à ce moment-là. La prison comme peine, pourquoi ? Parce que c'est un moyen de rendre la prison de la peine uniforme sur tout le territoire, de la réguler par rapport au délit. On peut donner des jours, des mois, des années de prison. Il y a une espèce de tarification de la peine qui satisfait l'esprit organisateur, au fond, de la Révolution française. Mais en même temps, et Michel Foucault le dit bien dans ce que nous venons d'entendre, l'idée de la prison, au point de départ, c'est de réinsérer des gens qui pourraient être utiles à la société. Donc, il faut amender. Il faudrait que la prison amende les gens, qu'elle les corrige. Et ça a été le grand rêve jamais réalisé et sans cesse repris tout au cours du 19e et du 20e siècle. Parce qu'on peut dire que la pensée sur la réforme de la prison est contemporaine de la naissance de la prison. On la crée, elle ne satisfait pas, et aussitôt on veut la réformer. Et il y a toujours ce double discours qui court sur la prison. On a parfois l'impression que c'est une forme de laïcisation, la recherche de la réinsertion, qui est déjà posée dans la réflexion de l'époque de la Révolution, même à l'époque des Lumières. C'est une sorte d'adaptation aux contemporains du rachat chrétien, non ? Absolument. Le grand théoricien de ce point de vue-là, c'est Beccaria. C'est le théoricien italien Beccaria qui était imprégné d'une pensée chrétienne, mais laïcisé. C'est un grand homme des Lumières, des délices et des peines. Le grand mot de Beccaria, c'était la douceur des peines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au châtiment corporel, à la torture notamment, qui était quand même un mode de punition classique du XVIIIe, il fallait substituer une douceur des peines qui ne prendrait pas le corps véritablement, mais qui prendrait l'esprit, en quelque sorte, pour justement l'amender. Alors évidemment, là aussi, difficulté, parce que le corps est très présent dans la prison. Il est constamment présent dans la prison actuelle. Douceur des peines, c'est presque un oxymore. Oui, tout à fait. Le panoptique de Bentham, le britannique, l'anglais Bentham, qui a été largement traduit ensuite et diffusé par Dumont en France, le panoptique a beaucoup influencé la réflexion sur la prison dès l'époque de la Révolution et ensuite au début du XIXe siècle. Tout à fait. Jeremy Bentham est un pénaliste anglais et il assiste en Angleterre au développement des prisons. On ne sait plus où mettre les prisonniers parce que les Anglais ont la pensée analogue à celle qui se développe en France. Et du coup, il suggère un plan d'architecture qui permette de surveiller beaucoup de prisons avec peu de personnel. La prison est circulaire, elle est ouverte vers l'intérieur. Au centre du cercle, il y a le gouverneur de la prison et le regard du gouverneur doit dissuader les prisonniers de mal faire et peu à peu les réintégrer dans la société. Foucault a été absolument ébloui par le panoptique de Bentham et c'est pourquoi ensuite nous avons travaillé à éditer un texte qui n'était connu en France que par une lettre de Bentham adressée à l'Assemblée nationale révolutionnaire française en 1791, où Bentham dit aux députés « Vous voulez développer les prisons ? Eh bien moi je vous apporte un plan d'architecture pour faire des bonnes prisons. » Bentham était un esprit extraordinairement fécond qui s'est exprimé dans toutes sortes de directions avec une liberté d'esprit rare dans sa génération. Mais avant le panoptique, il faut tout de même rappeler que la Bastille, c'est une prison. Et le fait que la Révolution française commence avec la prise de cette prison est probablement symbolique de quelque chose. Et en même temps, on nous a appris qu'il n'y avait presque pas de prisonniers et que, effectivement, avant 1789, la prison n'avait pas un usage essentiel de punition. Après tout, le marquis de Sade a été en prison. On y mettait les gens qu'on voulait protéger contre leur propre dévergondage. Oui, absolument. La Bastille dont vous parliez à l'instant, c'est le symbole de l'arbitraire de l'Ancien Régime. Les gens qu'on met par lettres de cachet, souvent au service des familles, même quelquefois il y a un livre d'Arlette Farge et Michel Foucault sur le désordre des familles et le rôle des prisons justement pour punir, enfermer des personnes indésirables dans les familles. Donc la prison d'Ancien Régime a un rôle très ambigu, mais elle n'est pas au centre de la pénalité. À partir de la Révolution française, avec une législation naturellement qui se développe plus ou moins rapidement, elle devient au centre de la pénalité. C'est ça qui change tout. Donc l'inhumanité que nous constatons et que nous déplorons aujourd'hui, y compris dans nos prisons contemporaines, elle se trouve plutôt du côté des galères, de la mise au travail, de ceux qu'on veut punir, plutôt que dans les prisons en tant que telles, qui sont d'ailleurs souvent dirigées par des bonnes sœurs pour les femmes, par des prêtres, et qui font partie de ce grand enfermement, mais qui n'apparaissent pas en somme comme essentiellement d'abord une punition. Absolument. Pour ne pas cesser de sentir l'ambiance, je vous propose un poème fameux d'Apollinaire. Il a été pendant quelques jours en prison après une sombre histoire d'un de ses amis qui était accusé de vol d'œuvres d'art. Il a été à la santé, et c'est le titre de son poème de 1911, qui est lu ici par Jean Cocteau. À la santé. Avant d'entrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nu. Et quelle voix sinistre ulule, Guillaume, qu'es-tu devenu ? Le Lazare, entrant dans la tombe, au lieu d'en sortir comme il fit, « Adieu, adieu, chantant ronde, ô mes années, ô jeune fille !» Non, je ne me sens plus là moi-même. Je suis le 15 de la 11e. Le soleil filtre à travers les vitres, ses rayons font sur mes vers les pitres. Et danse sur le papier, j'écoute quelqu'un qui frappe du pied. La voûte. Dans une fosse comme un ours, chaque matin je me promène. Tournons, tournons, tournons toujours. Le ciel est bleu comme une chaîne. Dans une fosse comme un ours, Chaque matin, je me promène dans la cellule d'à côté. On y fait couler la fontaine avec les clés qu'il fait tinter, que le geôlier aille et revienne dans la cellule d'à côté. On y fait couler la fontaine. Que je m'ennuie entre ces murs tout nus et peints de couleur pâle, une mouche sur le papier à pas menus parcourt mes lignes inégales. Que deviendrais-je, ô Dieu qui connais ma douleur, toi qui me l'as donnée, prends en pitié mes yeux sans larmes, ma pâleur, le bruit de ma chaise enchaînée, et tous ces pauvres cœurs battant dans la prison, l'amour qui m'accompagne, prends en pitié surtout ma débile raison et ce désespoir qui la gagne. J'écoute les bruits de la ville, et prisonnier sans horizon, je ne vois rien qu'un ciel hostile et les murs nus de ma prison. Naturellement, Michel Perrault, il ne faut jamais mettre les poètes en prison, et pourtant, il nous en parle si bien, comme oui. L'ours oui. Apollinaire. Et lui parle surtout de la cellule, de la solitude, une situation qui n'était pas absolument générale, même si, pour les réformateurs, la cellule était l'idéal. Mais elle n'était pas toujours réalisée, loin de là. Apollinaire semble être dans une cellule tout seul. Venons-en, si vous le voulez bien, Michel Perrault, à la période essentielle pour notre histoire, l'histoire de la prison et de l'inhumanité ou de l'humanité recherchée, espérée. Venons-en à la période de la Restauration et de la monarchie de Juillet. Nous allons trouver des personnages très variés. Naturellement, Tocqueville et Beaumont qui vont aux États-Unis, comme on sait, c'est l'origine de la démocratie en Amérique, pour faire un rapport sur la manière dont là-bas on traite les prisons, on organise les prisonniers. Par parenthèse, aujourd'hui, il y a près de 3 millions de prisonniers aux États-Unis, ce qui fait que c'est devenu un système de régulation sociale plus que de punition. Quoi qu'il en soit, Tocqueville et Beaumont y vont. Il y a donc un rapport dont j'aimerais que vous nous parliez. Et puis, il y a d'autres personnages avec qui ils débattent. Il y a des architectes, par exemple Giraud, l'architecte officiel des prisons, qui essaye de rendre les prisons saines, hygiéniques et commodes. Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont, son ami, s'en vont en 1831 aux États-Unis avec une mission du ministre de la Justice, voir comment les Américains résolvent le problème des prisons. Ils ont fait un voyage extraordinaire sur lequel on a des archives qui sont d'ailleurs à Yale, à la Beinecke Library à Yale, que j'ai été consulter pour éditer justement tout le travail de Tocqueville sur les prisons. Et ils sont fascinés par le double système que les États-Unis proposent à ce moment-là. Auburn ou Philadelphie. Alors, Auburn, ça veut dire « travail en commun le jour ». Mais cellule, la nuit. Et puis Philadelphie, c'est la solitude tout le temps dans la cellule, comme Apollinaire l'évoquait tout à l'heure. On ne sort pas de sa cellule, sauf pour une petite promenade à côté. Et le grand modèle, c'était Cherry Hill, la prison de Cherry Hill, qui est presque au centre de Philadelphie, que j'ai été visiter d'ailleurs, et c'est extraordinaire. Et là, c'est une prison radiante, avec des rayons qui partent d'un centre, et des centaines de cellules. Et là, l'idée des réformateurs américains, les Quakers notamment, c'était que le prisonnier devait être complètement séparé des autres de façon à éviter la contagion du mal. Il devait être face à lui-même, il y a une idée religieuse aussi, et en contact avec un éducateur qui viendrait le voir régulièrement, et ainsi on pourrait l'amender et le réintégrer dans la société. En somme, dans cette période, Michel Perrault, de la Restauration et de la monarchie de Juillet, il se dessine deux lignes qui peuvent s'opposer. D'un côté, Tocqueville, Alexis de Tocqueville, de l'autre, Charles Lucas, et peut-être le père d'ailleurs de Tocqueville, un peu oublié, qui était beaucoup plus confiant dans la nature humaine. Charles Lucas est philanthrope avant tout, et il représente ce courant philanthropique de la bonne prison. Et il pense que vraiment, on peut amender les détenus par une bonne prison. Et lui pense à une prison sociable, où les gens pourraient communiquer entre eux. Tocqueville représente une position plus radicale, plus morale, plus Quaker, cette position qu'il a été analysée aux États-Unis. Il est, lui, pour le cellulaire, pour l'isolement, pour une cellule qui empêche les gens de communiquer entre eux parce qu'ils doivent se retrouver eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, pour se repentir, et réfléchir à eux-mêmes. C'est plus une introspection qu'une relation et une sociabilité. Tocqueville a été fasciné par ce modèle, il l'a proposé en France, mais les questions financières étaient prédominantes, il a dû renoncer à ce modèle de Philadelphie pour adopter finalement le système d'Auburn, c'est-à-dire simplement des cellules de nuit. Et encore, pour arriver à avoir des cellules simplement nocturnes, on a mis des années, parce qu'il n'y avait jamais d'argent pour les prisons. On avait installé les prisons dans les anciens couvents nationalisés au moment de la Révolution française. C'est comme ça que Clairvaux, Fontevraud et quantité d'autres couvents sont devenus des prisons. Mais ce n'était pas adapté du tout. Et on entassait les prisonniers dans quelques cellules. Quant au Second Empire, on peut dire qu'il a tourné le dos aux deux positions. Parce qu'il y avait l'idée de la sécurité, cette idée qu'on retrouve plus tard dans les années 1920-1930, et il faut éliminer. Voilà. Éliminer. Alors, les bagnes métropolitains sont supprimées, mais on a créé des bagnes d'outre-mer, c'est-à-dire en Guyane et Nouvelle-Calédonie. Et on veut expulser les gens qui représentent un danger pour la sûreté de l'État. C'est cette idée-là du débarras que malheureusement la Troisième République reprendra à son compte, non pas pour tout le monde, mais pour les multirécidivistes avec la loi de 1885 de Waldeck-Rousseau. Et pourtant, Napoléon III lui-même a été prisonnier au fort de Ham. Oui. Apparemment, ça n'a pas poussé à une politique de relative compréhension des problèmes des enfermés. Oui, oui, il faut quand même mettre une petite note à cela. Le Second Empire a essayé de penser la question des jeunes. Il y a eu création de colonies pénitentiaires pour les jeunes, très nombreuses, mais avec des résultats extrêmement contestables. Si on pense à Maitrey, d'ailleurs une création antérieure au Second Empire. Mais il y a eu beaucoup de colonies comme ça. Malheureusement, c'est ce qui se produit souvent avec les institutions pénitentiaires. Une bonne intention et un retournement de l'institution contre les gens qui l'occupent. Et ces institutions deviennent des institutions répressives. Et ça se produit souvent encore aujourd'hui. Auburn, c'est aussi un lieu où dans l'atelier on doit se taire. C'est déjà la notion du silence qui est fondamentale et qui se pose aujourd'hui encore, me semble-t-il. L'obligation du silence a été abolie justement dans les réformes Pleven et autres des années 1970. Pleven garde des Sceaux, effectivement, Pleven de Pompidou qui a introduit la radio. Alors c'est oui, une forme absolument. De bruit. Absolument. Pas seulement un bruit. Oui, il y a eu quand même des communications qui ont été heureusement, la lecture des journaux, toutes choses qui étaient interdites au XIXe siècle. Et le silence dont vous parlez était très privatif pour les détenus, qui étaient des gens d'origine populaire et pour lesquels la parole était le seul moyen de lutter contre la solitude et de communiquer. Or, on n'avait pas le droit de parler, y compris dans les ateliers où on travaillait toute la journée pendant 12 heures. C'était terrible et ils s'en plaignaient beaucoup. Ils étaient très malheureux à cause de ce silence. Et dès qu'ils parlaient, ils avaient une amende. Alors, on retenait sur leur maigre pécule ce qu'on leur donnait pour le travail, une petite somme. Résultat, ils touchaient jamais rien. Ils travaillaient dans les prisons sans jamais rien toucher. Il y avait d'ailleurs des entreprises qui profitaient beaucoup de ce système de travail sans salaire. Il n'y avait pas de salaire et qui faisaient travailler dans les prisons. Ce qui amenait d'ailleurs une protestation de la part des ouvriers. Les ouvriers libres dénonçaient ce système en disant que dans les prisons, c'était une concurrence déloyale. Le travail a été parfois une punition et parfois un instrument de relative liberté, dans la mesure où la liberté est possible en prison. Relative amélioration, quand ils pouvaient avoir un petit peu d'argent, notamment pour améliorer l'ordinaire alimentaire, avec la création des cantines. Il y a eu, au cours du XIXe siècle, des cantines qui ont été créées en prison, mais elles étaient payantes. Alors, pour pouvoir avoir accès à ces cantines où on trouvait quand même des denrées un petit peu meilleures, fallait avoir de l'argent. Et cet argent, les détenus essayaient de se le procurer en travaillant. Il y avait une espèce de cercle qui était d'ailleurs un cercle parfois pervers, parce que les entrepreneurs qui organisaient le travail étaient ceux aussi qui fournissaient les denrées et qui, par conséquent, gagnaient sur les deux tableaux. Il y a eu des exploitations absolument éhontées au XIXe siècle de la part d'entrepreneurs de prison qui gagnaient pas mal d'argent avec ça. C'est du mot cantine que vient l'expression cantiner, c'est-à-dire cantiner, acheter en effet quelques produits à partir de l'argent qu'on a pu gagner. Mais observez que c'est un chiffre que j'ai relevé avec un peu d'étonnement, qu'aujourd'hui 28% seulement, 28% des prisonniers dans les prisons françaises sont à même de travailler, qu'ils le souhaitent ou qu'on le leur permette. Il y a les prisons d'hommes et puis il y a les prisons de femmes, beaucoup moins de femmes en prison, mais néanmoins nombreuses. Écoutez cette chanson d'Aristide Bruand de 1887, qui s'appelle « À Saint-Lazare » et qui est interprétée en 1969 par Germaine Montero. C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui je suis dans le tas à Saint-Lazare. Mais pendant ce temps-là, toi vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici tout le monde est décavé, la braise est rare. Faut 3 mois pour faire un linvé à Saint-Lazare. Vrai de te savoir, comme ça sans le sou, je me fais une bile. T'es capable de faire un sale coup, je suis pas tranquille. T'as trop de fierté pour ramasser des bouts de cigare. Pendant tout le temps que je vais passer à Saint-Lazare. Va t'en trouver la grande nana, dis que je la prie. Te casquer pour moi, j'y rendrai ça à ma sortie. Surtout n'y fais pas de boniment pendant que je marre et que je bois des médicaments à Saint-Lazare. Et puis mon petit loup, bois pas trop, tu sais que t'éteignes. Et quand t'as un petit coup de sirop, tu fous la beigne. Si tu te faisais coffrer un soir dans une bagarre, y a plus personne qui viendrait me voir à Saint-Lazare. Je finis ma lettre en t'embrassant, adieu mon homme. Malgré que tu sois pas caressant, oh, je t'adore comme j'adorais le bon Dieu, comme papa quand j'étais petite, et que j'allais communier à Sainte Marguerite. Y a-t-il, Michel Perrault, à vos yeux, une spécificité de la prison pour femmes sous la lumière qu'est la nôtre, c'est-à-dire le degré d'inhumanité? Oui, alors la chanson sur Saint-Lazare est tout à fait intéressante parce qu'elle évoque une femme malade. Et il y avait beaucoup de femmes malades à Saint-Lazare parce qu'il y avait beaucoup de prostituées qui étaient d'ailleurs soignées à Saint-Lazare parce que l'on redoutait les maladies vénériennes. C'était autant pour la prophylaxie générale que pour elle-même. Et elle évoque son couple également. On imagine un peu un souteneur qui lui fout des bennes, comme elle dit, hein, et qui pourrait bien boire un petit coup. Et puis, mais malgré tout, si il est en prison, alors elle n'aura plus personne qui viendra la voir. J'aime beaucoup cette chanson. Et Saint-Lazare a été une prison de femmes très importante. Elle n'existe plus aujourd'hui, bien sûr. Elle était tout à fait vers le boulevard Magenta et au haut de la rue Saint-Denis. Elle comportait en effet surtout beaucoup de prostituées. Elle est devenue progressivement la prison des prostituées. Et Au XIXe siècle, elle avait suscité la solidarité des féministes, notamment des féministes protestantes. Il y avait des féministes protestantes qui étaient très soucieuses du sort des femmes en prison et des prostituées. Nos sœurs, il y avait l'idée de la sororité entre les femmes libres et les femmes détenues. Et elles avaient fondé une association des libérées de Saint-Lazare, de façon à ce que les femmes qui sortaient de Saint-Lazare soient suivies pour leur réinsertion, toujours l'idée évidemment de la réinsertion dans la société. Donc Saint-Lazare est un haut lieu de la détention des femmes, un haut lieu de la philanthropie féminine et féministe, si l'on peut dire. Et il faut ajouter que Louise Michel a été emprisonnée à Saint-Lazare parce qu'elle avait, été naturellement elle aussi au bagne en Nouvelle-Calédonie, donc elle avait connu toutes les formes de détention. Après la Commune, puisqu'elle avait été une des combattantes de la Commune. Après la Commune, elle avait été envoyée au bagne. Son compagnon y avait été tué. Elle était rentrée en France. Elle n'avait jamais renoncé à la protestation. Elle avait manifesté dans les rues en 1883 avec des chômeurs. Elle avait été mise en prison à Saint-Lazare. Elle y est restée un certain temps et elle a laissé des témoignages tout à fait intéressants sur Saint-Lazare. Alors ça, c'est pour Saint-Lazare. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous parlons là des femmes. Il ne faut pas oublier qu'elles sont une minorité. Aujourd'hui, les femmes représentent 3,5% des détenus. Le monde de la prison est un monde d'hommes. C'est un monde de la virilité, c'est un monde d'hommes. Ce qui pose d'ailleurs une question très importante. Pourquoi cette différence des sexes par rapport à la pénalité? Pourquoi y a-t-il pas davantage de femmes en prison? On peut se poser tout à fait la question. Les féministes ne le réclament pas au nom de l'égalité des sexes, que je sache. Non, elles ne le réclament pas, mais pour tous ceux et celles qui étudient le genre de la prison, le rapport des sexes, la différence des sexes par rapport à la pénalité, c'est un véritable problème qui demanderait un peu plus de temps que peut-être nous n'en avons aujourd'hui. Mais ceci dit, la minorité, l'extrême minorité de femmes en prison, ce sont souvent des femmes qui ont commis des délits familiaux, par exemple un crime familial, un infanticide ou une maltraitance d'enfants, et elles sont particulièrement stigmatisées et isolées. Elles ont très peu de visites en prison parce que généralement, leur famille les réprouve tout à fait en raison de la nature familiale du crime qu'elles ont commis. Au fond, une femme criminelle, une femme infanticide, elle déchoit à sa condition de femme douce et mère. Vous évoquez, Michel Perrot, vous évoquez l'attitude du monde ouvrier à l'égard des prisons. Quand on considère l'histoire du XIXe siècle, l'impression domine qu'il y a eu une évolution, qu'à l'origine il y avait peut-être plus de solidarité du dedans et du dehors des prisons, et qu'ensuite, pour des raisons diverses, notamment la concurrence du travail, une coupure s'est créée. Déjà en 1848, il est intéressant de considérer quelle a été l'attitude des révolutionnaires face aux prisons, peut-être moins généreuse, même avant les journées de juin et après la révolution de février, moins généreuse qu'on ne pourrait rétrospectivement s'y attendre. Oui, en 1848, on ouvre Saint-Lazare, on libère les femmes, les prostituées sont libérées. Les prisonniers politiques, oui. Et les politiques, bien entendu, mais pas les droits communs. Pas les droits communs. On peut d'ailleurs comprendre les raisons pour lesquelles il y avait aussi une espèce de respectabilité de la Révolution. Il ne fallait surtout pas que la Révolution donne l'impression d'être l'anarchie. Et il y a progressivement création de ce qu'on pourrait appeler une frontière de respectabilité qui se crée dans les classes populaires tout au cours du 19e. Au début du 19e, on pourrait dire dans la première moitié du 19e, classe laborieuse, classe dangereuse, comme disait Louis Chevalier dans un livre fameux. On va de l'un à l'autre. Un ouvrier sait qu'un jour il peut entrer en prison. Et inversement, les frontières sont en quelque sorte poreuses. Et puis progressivement, avec l'organisation d'un monde du travail plus organisé, plus respectable, on va réprouver ces gens qui sont des délinquants et qu'on redoute pour soi-même. On ne veut pas être assassiné au coin d'un bois, volé. Le vol se substitue dans la délinquance. C'est le vol qui devient la chose la plus redoutée, plus que le crime de sang. Et à ce moment-là, oui, on prend son écart par rapport aux gens qui sont dans les prisons. On les réprouve, on les craint. Cela conduit directement à une grande question en démocratie, c'est-à-dire l'attitude des classes populaires à l'égard d'une éventuelle amélioration des prisons, d'argent qu'on y consacre. Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux, dans un film, très beau film, qui passera demain à 21h45 sur Planète Justice, un film de Bernard Georges, Prison, l'impossible réforme, pose exactement cette question. Et il avance la thèse suivante, il dit que tant que le niveau de vie des classes populaires sera ce qu'il est, on ne pourra jamais faire accepter l'idée que la manière de vivre des gens en prison puisse ne pas être encore inférieure à celle-ci et que par conséquent, il est peut-être plus facile de faire des prisons plus honorables, par exemple dans les pays sociaux-démocrates où le niveau de la solidarité est tel qu'il y a beaucoup moins de pauvres qu'en France. Absolument, j'agrée complètement l'idée de Robert Badinter qui a beaucoup développé cela dans un livre qui s'appelle « La prison républicaine » et qui est un grand classique parce qu'il étudie « La République arrive en 1870, qu'est-ce qu'elle va faire pour les prisons ?» C'était la grande question que Robert Badinter se posait. Il souhaitait prolonger la réflexion de Michel Foucault. Et ce fait, il ne faut pas que le niveau de vie des prisons soit supérieur aux classes populaires les plus pauvres, est vraiment très très important. Et on l'a vu dans le passé à propos de la prison de Fresnes. La prison de Fresnes est une prison républicaine qui a été créée en 1898 avec l'idée de faire des prisons complètement cellulaire. Là, c'était l'idée du cellulaire. On voulait être très moderne. Très moderne. On voulait mettre l'eau à l'intérieur de la cellule, un lit individuel, l'isolement, etc., etc. Et l'opinion publique, y compris populaire, a protesté en disant « Fresnes Palace ». On fait une prison palace, Fresnes Palace. Et il y a eu beaucoup de protestations en disant on donne à des gens qui se sont mis en marge de la société, qui ont fait des fautes contre la société, on leur donne mieux que ce que les ouvriers, est-ce qu'ils ont l'eau chez eux? Non, ils n'ont pas l'eau chez eux. Alors un détenu ne doit pas avoir l'eau dans sa cellule, vous vous rendez compte. Il y avait véritablement cette idée que le sort des détenus doit toujours être inférieur de quelque chose à la plus basse condition du prolétaire, en somme. Cette Troisième République que vous évoquez, en même temps que l'a fait Robert Badinter, a eu par conséquent une attitude assez ambivalente à l'égard de la prison, avec une différence probablement qu'il faut établir entre l'avant-guerre de 14 et la suite. L'entre-deux-guerres marque une grande diminution du nombre, ce sont des statistiques toujours intéressantes, du nombre de prisonniers, mais du même coup une sorte de déréliction, de désintérêt pour le fonctionnement même de ces établissements qui vieillissent très vite. Est-ce que vous pouvez nous aider, par rapport à aujourd'hui, à comprendre ce qu'ont été les premières décennies de la Troisième République et puis les dernières? La Troisième République n'a pas été nulle pour les prisons. D'abord, elle pensait que la prison était mauvaise. Par conséquent, y avait de moins en moins de monde en prison. Et vous avez évoqué ces bas chiffres des années 1920, des chiffres extraordinaires, où il y a 19 000 détenus, alors qu'aujourd'hui, nous savons que nous en avons plus de 60 000. Évidemment, la population est plus élevée aussi, c'est vrai. Mais le taux était faible. D'autre part, la Troisième République a essayé de distinguer la condition des prévenus et celle des condamnés. Et ça, c'était quand même important. Parce que le prévenu, il n'est pas condamné. Donc, il faudrait, malgré tout, ne pas lui faire subir par avance une peine de prison. Il y a eu cette idée-là. Et par exemple, on n'exigeait plus de ces prévenus qu'ils se rasent. C'était pas obligatoire. Ils pouvaient garder la barbe. Dans les années 1900, on aimait beaucoup garder la barbe. C'était la mode. Bon, tandis que le détenu doit être complètement rasé. C'était quelque chose comme ça. Et de même, ils peuvent recevoir les prévenus, la visite de leurs avocats, avoir des correspondances plus libres, etc., etc. Donc, ça, c'est important. Mais, alors, du même coup, on laisse croupir les autres. Il n'y a pas de réforme dans l'architecture des prisons, de prisons ordinaires, et elles sont dans un très mauvais état parce qu'on considère qu'au fond, c'est une espèce de lit. C'est la lit des prisons. On met de moins en moins de monde en prison, d'accord, ceux qui y restent, tant pis pour eux. Voilà. Et puis d'autre part, il faut ajouter que la Troisième République a vu une politique du débarras, c'est-à-dire qu'il fallait mettre le plus loin possible les gens qui étaient irrécupérables. C'est la fameuse loi de 1885 sur la relégation des multirécidivistes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un multirécidiviste ? C'est quelqu'un qui est passé au moins 6 fois devant les tribunaux, y compris pour des petites peines, un vol, une bagarre, une mendicité, une faite de mendicité. Ceux-là, au bout de 6 fois, on disait « c'est pas la peine de les garder en France », on les envoie en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Relégation. Et comme ça, on les relègue, on n'en entendra plus parler, le territoire sera débarrassé de ces gens dont on ne sait que faire. C'était l'idée que ceux-là, on ne peut pas les amender. Il n'y a rien à faire. Donc, on les expulse. L'ambiguïté de la Troisième République, hein. Car cette loi est une loi Valdez-Crousseau. Or, Valdez-Crousseau, c'est quand même un grand républicain. Et au fond, on est encore un peu les tributaires de cette inaction de la Troisième République finissante dans le domaine de la construction des prisons. Les prisons des Baumettes, par exemple, que nous évoquions tristement à propos de l'indignation légitime du contrôleur des prisons. La prison des Baumettes remonte effectivement à ces périodes où on n'était pas désireux ni capable d'améliorer la situation. Oui, on laissait tomber, on laissait courir, on laissait tomber pour les gens qui sont en prison, on les y entasse. Et les Baumettes sont effectivement un bon exemple, parce que c'est une vieille prison. Et il y a eu pendant très longtemps la prison Saint-Paul de Lyon, mais elle vient d'être désaffectée. Mais elle a été pendant très longtemps une prison tout à fait en tombant en déréliction. Oui, il y a l'idée qui continue toujours aujourd'hui qu'on ne peut pas faire grand-chose avec tous ces gens-là. Et donc, on les garde. L'idée, c'est qu'il faut protéger la société, c'est l'idée de la défense sociale. Il faut défendre l'extérieur, en les encellulant, en les mettant dans des lieux avec des murs, et surtout qu'ils ne reviennent pas nous embêter. La récidive étant certaine, c'est aussi au fondement des lois récentes de la précédente présidence de la République sur la récidive, de fait. Voilà, se débarrasser... protéger la société ou bien espérer amender, c'est l'éternelle dialectique qu'on trouve de siècle en siècle. Nous évoquions la prison des Baumettes, ce n'est pas la prison des Baumettes, mais au fort Saint-Nicolas qu'à Marseille, en 1939, était enfermé Jean Giono. C'était parce qu'il avait réclamé la paix immédiate après la déclaration de guerre. On est à la fin de l'année 1939. Écoutez son témoignage qui remonte à 1965. Jean Giono. On parle beaucoup dans les prisons. Les prisons sont les endroits où les nouvelles se répandent d'une façon considérable. Tout le monde est bouclé, tout le monde est enfermé, on a fouillé tout le monde, on a fait mettre tout le monde tout nu. Tout le monde tout nu, on vous a fouillé, on vous a raclé, on vous a étrié, on vous a passé la main dans les cheveux et ailleurs, et puis on vous a remis tout nu, tous ensemble, dans une grande pièce. Un quart d'heure après, il y a 10 types qui fument. C'était un endroit pathétique, tu comprends, extraordinaire. À un moment donné, nous avons été tous réunis dans une pièce qui avait peut-être 5 mètres sur 6. Et là, nous étions une vingtaine. Une vingtaine, et je me souviens de toujours, il y avait un type qui avait été arrêté à Mastibère, dans la Camargue. Ah oui, en Camargue. Qui était une espèce de grand type mou, qui se promenait comme ça, lamentablement, sur des espèces d'espadrilles, et qui crachait partout. Partout, il crachait. Il y avait au fond aussi une tinette qui sentait effroyablement mauvais. Or, nous sortions dans la cour et nous avions parfaitement la possibilité d'aller au cabinet ailleurs que dans cette tinette. Et un jour, comme j'étais à côté de moi, il y avait un personnage que je ne connaissais pas. Et puis, ce personnage, un jour, m'adresse la parole et je lui demande, comme on demandait toujours à quelqu'un, qu'est-ce qu'il avait fait ? Rien. Je lui dis, mais encore, qu'est-ce que c'est que ce rien ? Mais il me dit, j'ai donné 5 ou 6 coups de couteau dans le ventre à un type, mais en tenant la pointe comme ça, il me fait voir. Il me dit seulement, cet imbécile est mort. Et moi, je suis là, je suis très embêté, parce qu'en réalité, je ne voulais pas le tuer. Je voulais le corriger un peu, mais je ne voulais pas le tuer. C'est l'innocent. Alors, ce type-là est resté à côté de moi, et au bout d'un moment, je lui dis, écoute, c'est quand même désagréable, ça sent mauvais ici. Il ne pourrait pas aller au cabinet dehors, alors que nous sommes dehors. 3 heures par jour, ils ont le temps d'aller au cabinet dehors plutôt que de le faire là, dans le baquet. Alors le diplôme me dit, mais c'est très simple, il n'y a qu'à leur dire. Je lui dis, ils s'en foutront. Mais pas du tout, tu vas voir qu'ils s'en foutront pas. Alors il leur a dit, il faut pas aller là. Si vous allez là-dedans, moi je le premier qui y va, je le bascule dedans. Et puis toi, tu cesseras de cracher. Et le type a cessé de cracher. Et on n'est plus allé au cabinet. Et alors je lui ai dit, dis donc, mais tu te rends compte que ce que tu viens de faire, là, c'est la loi. Tu as fait la loi. Moi, j'ai été le législateur, je t'ai suggéré une loi. Toi, tu as été le gendarme, il l'a fait appliquer. Il ne voulait pas. Ça, j'aime mieux te dire qu'il refusait d'être gendarme. Sous la relative bonhomie chaleureuse du récit de Jean Giono, Michel Perron, on trouve des questions qui sont encore d'aujourd'hui. La question de la surpopulation, par exemple. Oui, la promiscuité. Au Beaumet, il y a aujourd'hui 1769 détenus pour 1190 places. Oui. Il y avait déjà surpopulation, apparemment, au fort Saint-Nicolas, quand Giono y était. Il y a aussi la question des relations à l'intérieur de la prison, qui est peut-être d'hier et d'aujourd'hui. Oui. Oui, on parle beaucoup dans les prisons, dit Giono. Hein, donc, autrement dit, le silence, tout ça c'est fini, ça n'existe plus. Mais on retrouve dans ce texte intéressant les problèmes d'aujourd'hui. La promiscuité, la surpopulation carcérale. Ça c'est une véritable catastrophe et la France est un des pays européens les moins bien classé, si l'on peut dire, de ce point de vue-là. Les prisons françaises ont mauvaise réputation. Évidemment, il y a en Europe, j'allais dire, des prisons relativement bonnes. Les prisons scandinaves. En Scandinavie, on n'a pas renoncé à la réinsertion des détenus, à avoir de l'hygiène, à avoir, et surtout la liberté. Beaucoup moins de méfiance qu'en France. En France, dès qu'une prison s'organise, ce sont des serrures, des clés, des grilles. On le voyait très bien dans une émission de La 3 au début de cette semaine, qui s'appelle « Entrée en prison ». C'était sur France 3. C'était entièrement axé sur les communications à l'intérieur de la prison. Plus que sur les cas individuels, d'ailleurs, les procédures. Et on était frappé du nombre incroyable de grilles qu'il faut franchir et qui séparent les gens les uns des autres parce qu'on a peur. On a peur de l'évasion, on a peur du contact, on a peur de la parole même si elle est autorisée, etc., etc. C'est une atmosphère qui n'existe pas dans les prisons en Scandinavie, par exemple. La prison est difficile à réformer, c'est probablement un rêve de penser qu'on peut sortir du bien de la prison, mais il faut quand même pas renoncer à le faire. Parce que même des petites choses, c'est très important pour ceux qui y vivent. Nous évoquions ensemble la période importante de la résistance et de la libération. Et il y a eu à ce moment-là un plan de réforme intéressant à considérer depuis notre actualité. Un plan de réforme des prisons sous l'autorité de Paul Amor, qui a laissé un nom dans ces milieux, qui était directeur général de l'administration pénitentiaire. Je voudrais que nous l'écoutions. Le 13 juin 1946, et dans le cadre de la fameuse émission Tribune de Paris. La prison peut très bien en même temps punir et corriger. Elle est même à même de corriger et de rééduquer les bagnards. D'ailleurs, dans l'avenir, l'administration pénitentiaire aura à s'occuper également de ce que l'on appelait auparavant les bagnards, oui, puisqu'il n'y aura plus de déportation. La transportation, maintenant, vous le savez bien, est supprimée. C'est cela, oui. Et d'ores et déjà, en ce qui concerne les relégués, vous le savez, ces relégués eux-mêmes ne sont plus transportés et nous les rassemblons en ce moment dans un camp pour y subir en quelque sorte une sorte d'internement de sécurité. Pour les détenus, d'une façon générale, je le répète, le but essentiel que s'est assigné l'administration pénitentiaire est non seulement d'infliger une peine, une punition, mais en même temps qu'elle prive le détenu de sa liberté, profiter du temps que ce détenu passe dans la prison pour le reprendre en main, le rééduquer à la fois au point de vue moral et professionnel, de façon à en refaire un homme, un ouvrier, quelqu'un en somme de capable de reprendre sa place dans la société et d'être encore utile à son pays. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, ce sont les méthodes qui doivent être appliquées pour arriver à ce résultat. Une commission, dès la libération, une commission s'est réunie au ministère de la Justice pour élaborer et mettre au point ces méthodes. Ces méthodes sont maintenant bien déterminées. Elles tendent à l'amendement du détenu en vue de son reclassement social, c'est-à-dire à des mesures de nature à faire réfléchir le condamné par l'intervention d'un personnel qualifié, c'est-à-dire d'un personnel qui, situé entre le personnel de surveillance proprement dit et le personnel administratif, un personnel chargé de l'éducation, d'un corps de spécialistes qui portera le nom d'éducateur. Un projet d'ailleurs actuellement soumis au ministère des Finances, et j'espère, je veux croire, que ce corps d'éducateur sera incessamment créé. D'autant plus, je l'ajoute, que dans la récente déclaration des droits que vient de voter l'Assemblée constituante, il est inscrit que la prison doit tendre à la rééducation des détenus. Par conséquent, nous ne faisons qu'appliquer l'idée même inscrite dans la Déclaration des droits. Ce directeur général des prisons, qui répond au beau nom de Amor, fait allusion effectivement à la Déclaration des droits qui vient d'être adoptée par le premier projet de constituante. On est en juin 1946. Il pose là, me semble-t-il, Michel Perrault, un certain nombre de principes qui sont généreux. Est-ce que ça a été illusoire 70 ans plus tard, à vos yeux, qu'est-ce qu'il en reste dans nos prisons qui sont encore si souvent inhumaines ? Il en reste peu de choses. L'esprit d'Amor, c'était l'esprit de la libération, l'idée que la République triomphante allait résoudre aussi ce problème-là. Et c'est vrai qu'il y a un souffle généreux. Amor avait créé aussi la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, avec l'idée que les jeunes, il fallait s'en occuper particulièrement. Ces choses-là, malheureusement, se sont grippées progressivement. Il y a eu un tournant qui a été assez catastrophique, c'est l'époque de la guerre d'Algérie. Parce qu'à l'époque de la guerre d'Algérie, pour d'autres raisons, les prisons ont recommencé à enfler démesurément et à nouveau on a considéré les prisons comme simplement pour la sûreté et la sécurité. Et progressivement, les idées sécuritaires dans notre société depuis 20 ans ont pris le pas sur toutes les autres. Et la prison est revenue à son rôle de défense sociale, comme on l'évoquait tout à l'heure, beaucoup plus qu'au rôle de l'amendement. Alors, les idées d'Amor peuvent paraître un peu illusoires, et c'est vrai qu'il y a un peu d'illusion. Foucault aurait dit qu'au fond, la prison, elle est faite surtout pour gérer les illégalismes. La grande idée de Foucault, c'est que, au fond, la prison avait été créée simplement pour ça, gérer les illégalismes, qu'il fallait pas en attendre autre chose. Peut-être a-t-il raison sur le fond. Ça induit un pessimisme de l'action, ça induit un pessimisme de l'action, cette conviction. Il ne faut pas inhiber l'action, il faut faire le possible, ce qui est possible, parce qu'il y a des gens qui vivent en prison aujourd'hui, plus de 60 000 personnes en France aujourd'hui, donc il est très important que leurs conditions actuelles et la suite dans la société soient évidemment envisagées. Autrement dit, on peut être à la fois critique à la manière de Foucault et réformiste à la manière d'Amor. Je crois. Eh bien, ce mot me paraît tout à fait adapté pour clore notre conversation du côté de la réflexion historique et du côté de l'appel à l'action républicaine. Vous avez préfacé, Michel Perrault, un livre qui s'appelle « Histoire des prisons en France, 1789-2000 », qui est paru chez Privat et auquel collabore Jacques-Guy Petit, qu'il faut également saluer. C'est un excellent historien. Le grand historien des prisons. Du 19e siècle. Absolument. Avec un livre qui s'appelle « Avec un livre qui s'appelle « Ces peines obscures », qui a été publié chez Fayard en 1990. Vous avez également signé, c'est un recueil d'articles, « Les ombres de l'histoire », je l'évoquais tout à l'heure, « Crimes et châtiments au XIXe siècle ». Je rappelle le titre du livre de Michel Foucault, « Surveiller et punir, naissance de la prison », paru chez Gallimard en 1975. Un classique, absolument incontournable. Jean-Claude Vimont a publié dans la collection Découverte un précieux petit ouvrage qui s'appelle « La prison à l'ombre des hauts murs », fort illustré. Très clair, très, très pertinent et très clair. Vous pourrez retrouver une bibliographie plus complète encore sur notre site et les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également, vous le savez, écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous parlerons d'une ville magnifique et à certains égards martyrisée, qui est Jérusalem, chargée de tant d'histoires et de tant de symboles, de tant de sacrés. Nous parlerons de Jérusalem il y a 100 ans, pour voir ce qu'il en reste et ce qui a changé, avec son historien qui est Vincent Lemire. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours de Nathalie Lempereur et de Jeanne Guéroux, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec à la prise de son Anthony Thomasson, à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archivinats Arnaud Plançon. Et maintenant, je passe le témoin à Dominique Rousset, comme chaque samedi, pour l'économie en question.